Micro ouvert. On commence plutôt ce micro ouvert. Merci à Jean-François qui a permis ça. Parce que le micro, là, il est plus long que d'habitude. Et c'est intéressant, important, je trouve, d'entendre la conclusion de cette grosse organisation qui a eu lieu. Donc, c'est un débattorium contre la pauvreté avec les 6 partis politiques. C'était à l'amphithéâtre de Namur. C'était le 25 avril. Voilà, je vous laisse découvrir cette rencontre. La première partie, vous pouvez l'écouter sur microouvert.be. Aussi, j'avais envie de rajouter comme ça, il y a un article écrit par Aurélien Bernier sur « Faut-il désobéir à l'Union européenne ?» Et alors, il y a un petit passage, il y a 3 lignes quoi, que j'ai envie de vous lire. C'est « Comment porter aux élections nationales un programme de transformation écologique et sociale alors que les dispositions très libérales du marché commun s'imposent en droit ? Et surtout, comment l'appliquer une fois au pouvoir ?» Voilà. j'avais envie de dire ça. Je ne sais pas pourquoi. On va commencer par Mme Lazaron pour voir ce que disent les engagés par rapport à la priorité sur le sans-abrisme et quelle est la mesure phare chez vous pour le combattre. C'est une priorité, effectivement, et nous sommes bien conscients que la dignité de la personne passe par le fait d'avoir un toit. Le médecin vient de l'expliquer, et effectivement, la santé ne passe pas uniquement par du soin, mais justement par l'environnement dans lequel la personne vit, et notamment avec un toit. Et pour cela, au niveau du sans-abrisme, il faut continuer, parce qu'il faut se dire qu'il y a des choses qui ont déjà été engrangées, mais continuer, évidemment, les abris de nuit, et penser aux femmes, en ajouter pour les femmes, mais ce sont des pansements, ça c'est un sparadrap. Il faut aussi réinsérer la personne, notamment dans les housing first, et donc essayer d'avoir un logement pour une personne sans abri, c'est pas une évidence, donc il faut qu'il soit accompagné d'un éducateur ou d'une assistante sociale, et par rapport aussi à tous les logements inoccupés, c'est contraindre les propriétaires à mettre ces logements en AIS, en agence immobilière sociale, pour avoir des loyers à prix modéré. D'accord, boucher triple sur le logement, très bien. Fabien Martin. Mais voilà, mais tout d'abord, il faut, avant d'arriver à des mesures structurelles palliées aux mesures d'urgence, il faut des places pour tout le monde aujourd'hui. C'est insupportable que les abris de nuit aujourd'hui ne puissent accueillir les personnes qui sont en souffrance. Donc il faut doper les moyens, les relais sociaux qui sont submergés, les travailleurs de première ligne, parce qu'il faut continuer à maintenir ce lien entre les personnes qui sont en souffrance à la rue et pour la réinsertion. En termes de logement, naturellement, c'est un pilier et c'est aussi... chez nous une priorité, puisque plus d'un milliard d'euros ont été consacrés dans le logement public. Pour nous, ce qui est important, c'est la redistribution des richesses. Il faut aujourd'hui que les promoteurs immobiliers consacrent aujourd'hui du logement public lorsqu'ils font du logement. On va y venir dans le logement. Spécifiquement sur le sans-abrisme. Donc d'abord investir sur tout ce qui n'est pas résolu aujourd'hui dans l'urgence. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est important. Oui, mais on va revenir au logement. On va revenir au logement. Donc merci, Fabien. Le voisin pour le défi. Oui, voilà, je voudrais vous dire et vous parler un tout petit peu de mon mandat de conseiller communal, puisque c'est le seul mandat que j'exerce à l'heure actuelle, et vous dire que certaines communes font le job, ou en tout cas essayent de le faire, et ça fait partie des priorités, je pense, quand même, à Namur. Il y a d'autres communes, par contre, qui ne font pas le job. Et il y a un décret en Wallonie qui a été pris pour rendre obligatoire le fait d'avoir des accueils de nuit partout sur le territoire wallon. Mais ce décret n'est pas respecté parce qu'il n'y a pas de sanctions pour les communes qui ne mettent pas à disposition des logements de nuit. Ce qui fait que les communes qui font le job sont débordées à l'heure actuelle et que ce n'est pas normal puisqu'il n'y a pas une juste répartition de la tâche. Alors qu'est-ce qu'on propose sur la Wallonie ? Eh bien, donc, la première des mesures, c'est de rendre cette mesure qui a été prise au niveau wallon assortie d'une sanction pour les communes qui ne font pas le job. La deuxième, c'est de développer évidemment des dispositifs tels que Housing First, et de faire en sorte que les centres d'accueil de nuit aient plus de places disponibles, notamment pour les femmes, et puis faire en sorte aussi que les gens ne basculent pas dans la rue, parce qu'on voit que les loyers sont très chers, qu'il n'y a pas aussi de logements publics assez en nombre, et on pense à ce niveau-là que par contre le privé n'est pas notre ennemi. Et qu'il faut faire en sorte... On y reviendra sur le logement tout à l'heure. D'accord. Ça va, mais donc le logement dans la prévention, ok, mais s'occuper quand même encore fort du curatif. Sophie Merckx. Merci. Merci tout d'abord aussi pour les témoignages. Voilà, je suis de Charleroi aussi, donc aussi vous, moi aussi je suis médecin. Et c'est vrai que si je suis ici aujourd'hui en tant que voilà, femme politique et je me bats contre les injustices dans ce monde, ben, c'est parce que dans mon cabinet de consultation, je n'ai pas constaté une fois, mais j'ai constaté des milliers de fois que ce qui rendait les gens malades, c'était les conditions de logement, c'était les conditions de travail, par exemple. Et une des premières choses que vous j'ai... Vous vous retrouvez sur le constat, mais les réponses pour répondre à la question... Oui, donc... L'enjeu premier du PTB voilà. Par rapport aux sans-abri, oui, c'est quoi? Oui, donc ce que je veux dire, c'est que récemment, à Charleroi, parce que c'était des femmes qui ont témoigné, moi j'étais particulièrement choquée par une femme qui a accouché dans une tente. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc à cette occasion-là, j'ai justement aussi interpellé le conseil communal. Et ce que je ne comprends pas, non seulement le nombre de sans-abri augmente, mais effectivement, les abris de nuit, par exemple... Marceau, on est OK sur les constats, mais qu'est-ce que le PTV propose dans son programme par rapport aux sans-abris? Oui, donc je vais y venir. Oui, donc je vais y venir. Donc ce que je pense, qui est, ce que je constate, donc c'est que les abris de nuit effectivement sont pleins, il y a plein de refus qui se font et donc c'est pas normal et donc pour moi oui il faut élargir les abris de nuit, déjà l'accueil qui est augmenté en hiver, d'accord, il faut c'est... aussi toute l'année qui soit disponible. Et par rapport au Housing First, donc effectivement c'est un projet vraiment pilote qui est très positif, mais okay. C'est une goutte d'eau. Donc beaucoup plus de Housing First, mais oui, parce aussi que quand on voit à Bruxelles, il y a 200 okay. personnes en Housing First, alors qu'il y a 7000 personnes dans la rue. Donc je crois que là, il y a vraiment un déséquilibre. Il faudra d'accord. quand même beaucoup plus okay. investir. Et puis il y a la prévention, Xavier... bien sûr, mais on va y venir. Xavier Gérard. Oui, merci. Donc, nous, au niveau de notre programme, il y a deux mesures phares au niveau du sans-abrisme. C'est effectivement déployer davantage les mécanismes Housing First, parce que, enfin, voilà, on en a tous parlé, mais là, on commence à avoir suffisamment de recul sur les premières expériences pour se rendre compte que c'est un mécanisme qui fonctionne. Il y a 90% de gens qui savent rester dans leur logement au terme d'une réinsertion en Housing First. Donc, il y a un vrai potentiel là-dedans. Prêt à défendre de tripler un budget pour ça? Par exemple, puisque Boucher est triple. Il faudra avoir les moyens disponibles. En tout cas, aujourd'hui, on a la preuve. Non, mais c'est important. On a la preuve, au terme d'évaluation... Les autres aussi. Hein. ...que ça fonctionne. Et donc, effectivement, on sait qu'on peut rentrer dans cette voie-là, d'accord. parce que c'est une bonne solution. Et alors, on a une deuxième proposition, qui est d'avoir davantage de logements communautaires dans ce qu'on appelait les pensions de famille, donc qui permettent aux gens en réinsertion en termes de logement d'avoir un logement individuel mais avec des équipements collectifs, donc de ne pas se retrouver isolé du jour au lendemain dans et un donc petit studio. Donc en faisant sauter le statut cohabitant. Dans un espace encadré. Je suis désolée, mais la perche était trop tendue. Hein. Mais je pense par votre sourire que vous en êtes convaincu. Votre voisin, alors, Georges-Gilles Quinet. Donc, on est d'accord sur les constats. La rue tue, tout le monde a droit à un toit au-dessus de sa tête et il faut des solutions. La première chose, c'est de pouvoir garder son logement quand on en a, avoir des revenus suffisants. C'est l'individualisation des droits, la fin du statut de cohabitant. Prévention. C'est aussi des fonds locatifs solidaires. Quand on ne sait pas payer son premier loyer, qu'on puisse... avoir une solution qui fait qu'on n'est pas éjecté de son logement, parce qu'après, reconstruire prend beaucoup plus de temps et coûte beaucoup plus à la collectivité. C'est évidemment, Housing First, on est tous d'accord là-dessus. Et trois, c'est d'avoir plus de logements disponibles. C'est la réquisition, comme on le fait ici à Namur, des logements inoccupés au-dessus des magasins. Okay. C'est on va venir au logement en tant que c'est tel. C'est aussi, je termine là-dessus, oui. La location loyer pour ceux qui n'ont pas accès à un logement public. C'est quelque chose qu'on a mis en place ici. Okay. En Wallonie pour d'accord. permettre de se loger parce que c'est la première des sécurités auxquelles on a droit. Ça va. Je pense que vous avez tous cité Housing First. Je crois qu'il y a des gens de l'administration dans la salle. À mon avis, autant que le terrain, ils n'entendent que ça, hein, que ça triple, que ça quadruple, que ça quintuple et qu'il y ait des vrais budgets pour aller très vite et très fort. Hein. Ça va être retenu dans la tête de tout le monde, donc on va revenir après les élections sur cette question-là. On va avancer avec le logement et on va y rester un petit peu sur le logement parce que c'est quand même ce que le réseau Wallon et ses militants considèrent comme la colonne vertébrale de la lutte contre la pauvreté et de ce que devrait être un programme dans la déclaration de politique régionale à venir. Alors, on va y rester un certain temps parce que vous allez écouter une série de prises de parole et puis vous aurez trois questions ensemble à l'issue de cette prise de parole, parce qu'on veut faire ça en crescendo, parce que le logement, ça, c'est par des portes multiples qu'on peut en parler, et on va donner la parole pour commencer à Mandy. Mandy qui est là parmi les témoins du vécu militant. Vas-y Mandy, micro bien près de la bouche. Hein. Le logement, ce n'est pas juste un toit. Le logement, c'est le socle fondamental pour construire sa vie. C'est le pilier de tous les autres droits. C'est le cocon de la vie. Pour moi, un bon logement, c'est un lieu où je me sens bien, en sécurité, où il fait sec et chaud. C'est un lieu adéquat pour accueillir, laisser place à l'amour, à la famille, à la sérénité. Le logement, c'est un droit. Et pourtant, aujourd'hui, ça ne va pas de soi. Surtout si ton portefeuille est plat et que tu n'as pas le choix. En Wallonie, plus de 10 expulsions sont prononcées par jour. Manque de logements publics, plus de 42 000 ménages en attente, et pourtant 100 000 logements restent inoccupés. Malgré le contexte, de nombreux logements de qualité sont détournés à des fins touristiques, à des prix qui excluent les familles qui en ont besoin. Résultat, dans le parc de logements privés, les loyers ne cessent de grimper. Mais pour des logements de plus en plus délabrés, il manque cruellement de logements et la discrimination fait rage. Pas de mères célibataires, pas de minorités culturelles, pas de caution CPS, pas d'animaux. C'est la galère parce que le logement est considéré comme une marchandise qui laisse place à la spéculation. La problématique est telle que tu n'as pas le choix. Tu prends ce qu'on te propose ou tu te retrouves à la rue. Ouais. Voilà. On va écouter le duo Aurélie Pacou, Pacou Aurélie, Aurélie du Roidet, Rassemblement Wallon pour l'accès durable à l'énergie, et Pacou, témoin du vécu militant. Voilà. Dans ma maison, c'est de tous côtés qu'il faut refaire. Il y a quelques années, j'ai voulu demander une prime pour une réparation précise. Je n'ai pas eu la prime parce qu'à l'époque, il fallait faire des travaux pour au moins presque le double de mes projets. Mais moi, je fais très attention de ne pas gaspiller, de ne pas exagérer, de ne pas profiter et de ne pas demander plus que nécessaire. Et puis voilà, je n'ai pas eu droit à cette prime. Devoir avancer l'argent pour les travaux, c'est impossible. Il faut changer ça. Car si on a besoin d'aide par une prime, c'est que justement on n'a pas les moyens. Je me rends bien compte qu'il faudrait faire de plus gros travaux d'un coup pour vraiment améliorer la qualité énergétique de ma maison et pour que ça me revienne moins cher. Mais je n'ai pas le choix. Je fais beaucoup moi-même, à mon rythme, mais aussi à mon rythme financier. Il y en a qui disent que ça ne sert à rien, que ce n'est pas efficace. Ça prend du temps et c'est certainement moins bien fait que si c'était un professionnel qui le faisait. Il y a des aides, c'est vrai. Moi, je ne les demande plus. Tout cela fatigue à la longue. Cela signifie encore devoir demander, d'encore devoir se justifier, d'encore être au taquet pour ne pas oublier les délais. Il faut se battre pour ça, pour tout, avec tout. Et c'est tout le temps. Il faut absolument simplifier et automatiser. Vivre dans un logement décent et performant énergétiquement est un droit. Mais ce sera aussi bientôt un devoir, puisque des obligations, tout droit venues de l'Europe, vont imposer aux citoyens d'améliorer la qualité et la performance de leur logement. Alors évidemment, les changements, la lutte contre le changement climatique, c'est une priorité essentielle, mais des obligations telles que celles-ci sont une violence pour les personnes qui sont dans des situations comme celle de Pacou et comme bien d'autres. Et donc les pouvoirs publics ont la responsabilité d'offrir des aides qui soient suffisantes, qui soient adéquates et qui soient accessibles. Et parfois ça veut simplement dire financer à 100% et prendre en charge les travaux de rénovation. Parce qu'une partie des ménages n'auront jamais les moyens de rembourser un prêt. Et en fait ce n'est pas un problème parce que améliorer la qualité des logements, c'est bon pour la santé, on l'a dit. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'emploi. Donc c'est du win-win-win-win-win, donc c'est bon pour le budget de l'État aussi. Les pouvoirs publics doivent aussi investir le parc locatif qui est trop souvent délaissé et qui risque, s'il n'est pas soutenu et régulé, de se réduire ou de tomber de plus en plus dans la main de grands investisseurs. Ce qui est une catastrophe, évidemment, étant donné la crise structurelle que connaît le secteur du logement depuis des années. Il faut un encadrement des loyers qui prenne en compte la performance énergétique, des aides et un accompagnement spécifique. Et puis pour toutes et tous, de toute façon, en fait, il faut de véritables stratégies d'approche et d'accompagnement associatives ou publiques, en tout cas désintéressées, qui aillent chercher les ménages là où ils sont, dans les réalités qu'ils vivent, et qui les accompagnent de bout en bout. On a besoin de dynamiques collectives, par quartier par exemple. On a besoin de moyens humains aussi pour mener cet accompagnement. Pacou, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur où tu en es actuellement dans ta situation ? Actuellement, quand je suis dans mon lit et qu'il pleut, j'entends des poc, poc, poc. Je sais qu'il pleut dans mon grenier, mais je n'ose pas aller voir. Quand je verrai ce dont il s'agit, il faudra peut-être faire intervenir quelqu'un. Mais qui ? À quel prix ? Tout cela tue. Compter, ça use. Réfléchir pour trouver de fausses solutions, ça use. Rénover avec des bouts de ficelle, ça use. La honte, ça use. J'ai honte d'être pauvre. J'ai honte d'être moins pauvre que d'autres. J'ai honte de m'humilier devant les assistantes sociales. J'ai honte de devoir me justifier. J'ai parfois honte de prendre du bon temps car cela me semble interdit. J'ai envie d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Je veux vivre. Merci beaucoup, Aurélie. Aurélie, c'est pas fini. Vas-y. C'est nous tous, en tant que société, qui devrions avoir honte de maintenir des citoyens et des citoyennes dans une situation qui les prive de vivre, comme le dit si bien Pacou. Et donc l'accès au logement décent, abordable et énergétiquement performant, ça doit être la priorité absolue du prochain gouvernement wallon. Et plus globalement, pour conclure, on pense vraiment que la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques doivent toujours s'inscrire dans une perspective de lutte contre les inégalités et se penser au départ des réalités des gens qui vivent dans le trop peu. Il en va de leur efficacité, il en va de notre capacité à vivre ensemble et de faire cohésion pour une transition vers une société plus juste, plus démocratique et respectueuse des limites de la planète. Merci. Merci Aurélie. Alors on va passer la parole à Alain, et avant que Alain ne prenne la parole, puisqu'il va faire le lien à la santé, vous avez vu que vous avez une potence comme si vous étiez à l'hôpital, et sur ces Baxter, en fait, ben, il est écrit que c'est le logement qui est sous Baxter. Logement est sous Baxter, donc la population est malade, donc forcément, Alain va nous dire ce qu'il en advient. Le logement, c'est aussi une question de santé. Investir dans le logement, c'est aussi promouvoir notre santé. Mal logé, non logé, trop cher logé, on étouffe. Laissez-nous respirer. Le mauvais logement, je l'ai subi près de 10 ans. J'ai pas eu le choix d'emménager dans une maison impossible à chauffer. La chaudière était obsolète et en hiver, la température atteignait maximum 14 degrés. J'étais dans mon divan, toujours en position fœtale, avec un maximum de couverture, mais finalement, c'est mon corps qui chauffait les couvertures. Vivre dans ces conditions, ça te fout en l'air. Physiquement d'abord, le froid, l'humidité, ça provoque des problèmes respiratoires, de l'asthme, des allergies. En tension permanente, les muscles se sont abîmés, mais c'est mon mental qui a le plus subi. Je n'arrivais plus à me projeter. Une enquête récente de Solidaris montre qu'un Belge francophone sur 4 est souvent déprimé à cause de son logement. Pour les personnes qui rencontrent de très grandes difficultés financières, le chiffre est de 1 sur 2. Le logement a bien un impact sur la santé mentale. Insécurité, dépression, anxiété, pensées suicidaires, et c'est sans compter sur ceux qui sont passés à l'acte et qui restent muets maintenant. Enfin, le logement impacte également notre santé sociale, parce que si tu n'es pas à l'aise, tu as honte d'inviter chez toi, que tu as peur des jugements et pire, de la visite d'une institution qui pourrait te confisquer la garde de tes enfants. Plusieurs d'entre nous ont également vécu un isolement social forcé, alors que leur propriétaire leur interdisait des visites. Vous allez me dire ce que ça interdit, et vous avez raison. Mais quand tu n'as pas de plan B, tu préfères te taire plutôt que te faire expulser. Selon une étude de l'Union européenne, 3 euros investis dans le logement, c'est 2 économisés en soins de santé la même année. Les impacts positifs sur tant d'autres plans. Saviez-vous qu'on estime que chaque année, les enfants belges manque 55 000 journées d'école à cause de maladies liées à l'humidité. Merci. Merci Alain. Et on va aller vers la jeunesse en lien avec le logement. On parle beaucoup du logement et ses problématiques, mais le logement et les jeunes, chez les mineurs et jeunes adultes, comment ça se passe ? Ben, c'est bien qu'on en parle. J'ai eu l'occasion d'interviewer des jeunes. Il y a certains jeunes qui ont eu la chance de bénéficier d'un accompagnement de qualité grâce à des structures qui ont eu la possibilité de dégager des moyens humains pour aller au bout des choses avec les jeunes et non sans difficulté. Mais j'ai plutôt envie de parler de tous ces jeunes qui ont dû se débrouiller car, faute de moyens financiers et humains, l'accompagnement n'était pas envisageable. Ces jeunes qui étaient trop jeunes pour être pris en charge par le CPS, trop jeunes pour gagner la confiance d'un propriétaire, trop jeunes pour travailler, trop jeunes pour gérer la charge administrative imposée par les démarches. Et il y a ces jeunes qui ne comprennent pas et vivent de manière injuste leur situation. Faute d'accompagnement, ils finissent par être en rupture avec les institutions. Plus de confiance, la rue est leur seule réponse. Le cycle est entamé, l'issue se dessine. IPPJ, prison, prostitution, sans-abrisme, toxicomanie. On pourrait éviter de telles situations. Merci. Alors, trois questions qui vont vous être posées. Écoutez-les bien, je les formulerai. On va vous demander une réponse très, très, très, très courte, parce que vous avez beaucoup dit que le logement vous intéressait, et on vous croit, ça c'est certain. Mais on va aller un peu plus loin. Vas-y, Abdoufa. Si votre parti est au gouvernement, vous engagez-vous à faire du droit au logement la colonne vertébrale de la déclaration de politique régionale ? Vous engagez-vous à porter un pacte logement-énergie pour tous les portefeuilles plats ? Vous engagez-vous à soutenir les acteurs qui accompagnent les jeunes dans le logement ? Les trois questions sont assez claires. Hein. Donc, on a bien entendu que vous mettiez sur la table toutes sortes de solutions à l'intérieur du logement, mais la question ici est plus claire, c'est la première. Si votre parti est au gouvernement, vous engagez-vous à faire du droit au logement la colonne vertébrale d'une déclaration de politique régionale ? Alors, la réponse en oui plus un très court commentaire, ou en non plus un très court commentaire pour chacun d'entre vous. On commence par Georges Elkinet. L'égalité, la colonne vertébrale, hein. L'égalité est meilleure pour tous et l'accès au logement pour tous est meilleur pour tout le monde, y compris ceux qui en ont déjà. Oui, le logement doit être une priorité pour le prochain gouvernement régional. Je dis ça même si je suis plus au fédéral. Oui, il faut aider à rénover et le faire en libérant les personnes qui rénovent de la charge mentale et financière. Donc y compris avec un pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats. Voilà, en travaillant par quartier, en prenant en charge toute la réflexion architecturale et en préfinançant les travaux. Et lui, faciliter l'accès au logement par un accompagnement, notamment des jeunes ou des personnes qui ont besoin d'une garantie financière. C'est D'accord. la meilleure des choses okay. à faire, parce que quand on dit housing first, quand on dit c'est ça qui va aider à prévenir des problèmes de santé, de scolarité, de décrochage okay. social, il faut y mettre. Et je crois qu'il y a, des acteurs, agences immobilières sociales, aide à la jeunesse ici dans le coin, peut-être CPS d'ailleurs, qui seront contents d'entendre et que c'est quelque chose qui, de façon transversale entre la région wallonne et la Fédération Rue de Bruxelles, doit être renforcé pour aider les jeunes dans le logement. Absolument. Merci, Georges Elkinet. Alors, OMR, qu'est-ce qu'on dit à la première question ? Colonne vertébrale, le logement et. Autre partie de la colonne vertébrale, pacte logement-énergie, pour les portefeuilles plats. De manière générale, le logement va être au centre des réflexions, pas uniquement de la déclaration de politique régionale, mais à mon avis aussi fédérale. Parce qu'il y a quelque chose qui ne sort peut-être pas des débats et des discussions qu'on a pu avoir ici, c'est qu'on aura beau s'engager, et je pense que d'une manière générale, on va s'engager effectivement sur l'aide au logement, mais on a un secteur de la construction qui souffre. On a un secteur de la construction qui est en pénurie et donc on va pouvoir débloquer tous les moyens qu'on veut. Si on n'a personne derrière pour effectuer les travaux, on ne va pas réussir à avancer sur la question. Et donc, de manière globale, il va falloir réellement imbriquer ces deux questions. C'est de se dire de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir répondre à la demande Et cette demande, elle va devoir passer par notre capacité à mobiliser davantage les énergies pour répondre à cette pénurie au niveau du secteur de construction. Sinon, on n'aura pas de réponse rapide. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut une réponse rapide à la problématique du logement. Et investir sur les jeunes, jeunes et logement. Pardon ? Investir sur jeunes et logement. Oui. Aider les acteurs qui accompagnent les jeunes dans le logement. Il y a déjà toute une série d'aides qui existent, mais comme j'ai dit, si on n'a pas les logements, on pourra les aider tant qu'on veut, on ne saura quand même pas les occuper. Ok, d'accord. Sophie Merckx. Oui, je pense. Colonne vertébrale d'une déclaration politique régionale et pacte logement-énergie pour les portefeuilles plats. Oui, donc d'un côté, je pense que le logement, le constat est qu'effectivement, entre 2006 et 2021, on a plus de 4 000 logements sociaux en moins. Et donc pour nous, PTB, c'est vraiment important qu'en tant qu'acteur public, on est acteur du logement et du droit au logement, et ça passe par la construction de logements publics et sociaux. Mais donc colonne vertébrale dans une déclaration, si vous étiez au gouvernement, si vous montiez dans un gouvernement, est-ce que vous le mettez comme colonne vertébrale ? Ben oui, donc c'est ce que j'essaie d'expliquer, effectivement. Peut-être sur la deuxième question que vous avez posée. Pacte logement-énergie, donc oui. Rénovation, ce qu'Aurélie a abordé, le lien entre les deux inégalités, oui également, et les jeunes. Et le logement ? Je réponds quand même. Oui, oui. Donc si je peux un peu expliquer. Donc voilà, effectivement, donc aujourd'hui, la dame en a parlé, hein, donc qu'au niveau européen, on prévoit des sanctions pour des gens qui rénovent pas leur maison. Et donc c'est vrai que voilà, déjà en Flandre, c'est déjà d'application, hein, donc les familles reçoivent déjà les sanctions. Donc ça pend au nez. Et donc c'est évident que nous, on prend plutôt exemple à l'Allemagne. En Allemagne, en fait, ils ont créé une banque publique qui a permis par les tiers investisseurs sur 10 ans de temps de rénover des centaines, milliers de logements. Et comment on a fait ça ? Ben, en donnant le prêt public et en payant en fait le prêt sur les économies d'énergie qui sont faites. Et donc, c'est réellement des projets qui existent et qui sont réalisables. Ok, merci. Alors, Julien Lemoine, je fais la longueur cette fois-ci. Ça va ? Mais première question, un accès au logement, oui, mais comme je le disais tout à l'heure, enfin, j'ai essayé de le dire, mais j'ai été interrompu, ça ne se fera évidemment pas sans le secteur privé, puisque vous le savez, les finances publiques, elles sont bien belles, mais elles ne sont pas non plus sans fonds, et donc il va falloir à un moment donné aussi se dire qu'il y a la carotte et le bâton vers le secteur privé. Il faut en effet sanctionner ceux qui ne mettent pas leur logement à disposition et qui les laissent vides, mais aussi la carotte et dire qu'à ceux qui donnent ces logements à des agences immobilières sociales, qu'ils peuvent avoir quelques intérêts aussi fiscaux, financiers à le faire pour que sur la durée, ces gens s'engagent à le faire avec le secteur privé aussi. Miser sur la jeunesse, évidemment, c'est pas un jeune qui va vous dire le contraire. Je pense que miser sur la jeunesse, c'est miser sur notre avenir et que pour éviter que ces jeunes ne basculent dans la pauvreté, pour éviter qu'après on soit dans le palliatif alors qu'on aurait pu être dans le préventif, faire en sorte que ce soit ces jeunes prioritairement que l'on aide. Et sur le pacte logement énergie, évidemment, là je pense que le pouvoir public doit être au rendez-vous. Le système de tiers investisseurs est un bon système. On le propose ici dans notre programme. Faire en sorte que vous n'ayez pas à débourser 1 euro dans votre transition de logement, mais qu'un investisseur externe, en effet, puisse investir dans votre logement et se rembourse sur les économies que vous faites. C'est bon pour la santé, vous l'avez dit, c'est bon pour le logement, c'est bon pour l'environnement. Ok, ça va. Sur le tiers investisseur, on aurait beaucoup à partager, je pense. Je vois Aurélie qui hoche de la tête et on sait, nous, que ce n'est pas aussi évident que ça et que ce n'est peut-être pas la clé principale qui permettra d'aller fort loin. Et donc, il faudrait décider avec ça. Mais voilà. Au niveau du PS, alors, quid, colonne vertébrale, logement et pacte logement-énergie ? Je pense que la preuve, c'est qu'on est déjà dans la construction de cette colonne vertébrale. 1 milliard d'euros pour le logement public, ça, c'est pas du vent, c'est du concret. On l'a dit, on l'a fait. On a augmenté de plus de 25% avec les dotations aux AIS, le nombre de logements qui sont mis aujourd'hui à disposition des ménages en difficulté. Le ministre a pris toute une série d'outils, de sanctions pour obliger les spéculateurs à mettre leur maison, leur logement inoccupé pour les personnes. Parce que je pense que c'est important de le dire. Des réquisitions d'immeubles également. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire également pour les jeunes, il y a eu plus de 1770 cotes accessibles qui ont été mis en place ces deux dernières années. 4 500 logements publics, et donc c'est totalement faux, il y a eu des logements publics qui ont été créés, je tiens à le dire. Et au niveau des projets jeunesse, On est, par exemple, sur des projets pilotes comme Salto. Je ne sais pas si certains connaissent, mais en tout cas, les AMO qui sont présentes et les gens qui sont présents le connaissent. Et donc, c'est notamment pouvoir doper ces initiatives-là pour faire en sorte que, dès demain, les jeunes puissent être d'abord accompagnés, prévenir plutôt que guérir, et faire en sorte qu'ils puissent avoir le pied dans le logement, mais continuer naturellement. Merci, Fabien. Mais on a bien entendu, et on le sait, parce qu'on a des acteurs dans la salle qui travaillent au niveau du logement en permanence, qu'il y a des choses qui ont été faites, mais on est obligé de constater, et tous les acteurs logement sont obligés de le constater, et le ministre lui-même, parfois quand on le rencontre, est obligé de dire qu'il est à Cuillat, qu'il manque une quantité de logements et de logements de qualité gigantesque et énorme. Donc une colonne vertébrale, c'est engager tout un gouvernement à y aller à fond encore plus, encore plus. Madame Lazaron, colonne vertébrale d'une déclaration de politique régionale ? Oui, effectivement, nous avons inscrit que le logement est un droit, un logement décent est un droit pour chaque personne. Donc aussi lié à un pacte logement-énergie pour tout à fait. Donc le droit au logement, bah, je vais peut-être répéter ce qui a déjà été dit, mais effectivement, c'est sanctionner les logements inoccupés, c'est contraindre les propriétaires de mettre leur logement en incitant les AIS pour que ce soit des logements à loyer modéré. C'est aussi contraindre les promoteurs immobiliers de réserver des appartements aussi à loyer vraiment les plus bas, pour que tout le monde, enfin, pour que un plus grand nombre puisse en profiter. Au niveau du pacte énergétique, nous avons déjà proposé, mais il y a déjà même avant la campagne électorale, le prêt à taux zéro pour tout ce qui était travaux énergie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il serait remboursé par le différentiel, le gain gagné, justement, en dépenses, en non-dépenses énergétiques. Et au niveau des jeunes, eh bien, c'est favoriser les colocations, c'est les locations en commun, et que ce soit pour des jeunes, des familles parentales, ou là, nous aussi, nous sommes pour la suppression du statut cohabitant. Si je peux me permettre, c'est en dehors du temps de parole, mais parce que je suis mandataire politique pour l'instant, et dans notre institution, ça peut peut-être franchement aider pas mal de personnes. Je m'adresse aussi aux médecins. Il existe un service qui s'appelle le SAMI. C'est le service des analyses des milieux intérieurs des logements. Oui. Et si vous constatez que votre logement est insalubre et qu'il y a des problèmes de santé, notamment les maladies chroniques respiratoires, c'est un service gratuit. Il suffit d'une attestation d'un médecin généraliste et il y a une analyse qui est faite gratuitement. Oui. Et donc, on peut sensibiliser les propriétaires à contrainte à faire des travaux de mise en conformité. OK. Et donc, on a bien entendu dans toutes vos réponses que vous pensez que le logement est très important, qu'il faut le soutenir les jeunes, etc. On a aussi entendu, j'ai envie de dire, que vous énoncez les réponses qui existent déjà maintenant et qu'on ne nie pas, et qui se sont parfois amplifiées et qu'on ne nie pas. Mais à la dimension de la problématique du logement en Wallonie, eh bien, c'est en décalage. Je veux dire, ce n'est pas encore assez audacieux, assez intense, et notamment à la dimension de la quantité de logements, mais aussi de tous les enjeux que Aurélie et Pacou ont pointé tout à l'heure. Et donc, on devra se revoir après les élections, on devra travailler, on devrait être dans vos pieds, pas que nous, plein de gens, pour imposer qu'on aille plus vite et plus loin dans ce sens-là. On vient de parler du statut cohabitant, on en a déjà parlé une petite fois. Yves va nous en parler encore une fois, et on ne va pas vous poser la question, parce qu'on connaît la réponse. Donc, vas-y, Yves. Bonjour tout le monde. Et voilà, je vais vous parler de la fin du statut cohabitant. Combat du réseau wallon de lutte contre la pauvreté et de nombreux partenaires associatifs. A parmi ces vertus déjà défendues au 17 octobre de permettre une vie choisie et partagée, la fin des contrôles, la limitation des coûts du mal logement, des coûts en santé mentale, etc. Au petit déjeuner politique, souvenez-vous, vous avez donné la position de votre parti. 5 partis ont dit qu'ils défendraient la suppression du statut cohabitant s'ils sont au pouvoir, sauf le MR. Les partis flamands et francophones au sein du gouvernement fédéral ont démontré la faisabilité de la fin de ce statut en ne l'appliquant pas lors du chômage Covid, sans impacter les cohabitants, les accueillis et les accueillants lors des inondations en Wallonie et l'accueil des Ukrainiens, tout revenu de remplacement confondu. Chômage, CPS, Grappa, Mutuelle, Inami. Et définitivement, vous avez modifié le statut d'artiste en leur épargnant l'application du statut cohabitant et en supprimant le prix de l'amour pour une des allocations, l'allocation d'intégration. Alors aujourd'hui, il y a urgence. Urgence lors de ces élections de surveiller les promesses électorales. Urgence de tenir bon sur la longueur et jusqu'à la déclaration de politique générale, après avoir convaincu vos homologues néerlandophones. Cette mesure, évaluée maintenant à 1,8 milliard, ne peut pas être jugée trop chère, mais utile pour l'économie réelle, car le futur aura de l'avenir si demain, combattre la pauvreté n'est jamais estimé trop cher. Pour que ce statut ne soit plus argent comptant, mais cohabitant comptant. Isoler les maisons, pas les gens. Le public peut reprendre une fois avec moi. Isoler les maisons, pas les gens. Mettez fin au statut cohabitant. Attention, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté défend à la fois la suppression du statut cohabitant et est contre la limitation des allocations de chômage dans le temps. Chez les engagés, ils approuvent la fin du statut cohabitant, mais ils proposent la limitation des allocations de chômage à 2 ans. Et au MR, non seulement vous refusez la fin du statut cohabitant, mais en plus, cerise sur le gâteau, vous êtes favorable à la limitation des allocations de chômage au terme des 2 ans, avec un suivi individualisé au CPS. Alors moi je vous dis, quand on est amoureux, on dit qu'on en est bleu. Mais dans ce cas, je vous déclare pas ma flamme. Alors, on ne va pas vous poser de questions autour de ça. C'est des constats qu'on, c'est des constats qu'on a faits. Mais on doit vous dire qu'on a un rendez-vous prochain qui doit être fixé, Monsieur Gérard, avec le président du parti et un groupe de travail qui veut bien nous entendre davantage à propos du statut cohabitant, sur les chiffres, etc. Nous disant d'ailleurs que sur le plan liberticide, il ne peut pas être d'accord avec cette loi-là. Mais c'est sur le plan des chiffres qu'il cale sur le problème. Mais donc voilà, pour dire que c'est toujours au travail, et c'est toujours au travail avec les partis néerlandophones, hein, parce que effectivement, Écolo a du travail à faire avec Groen, c'est vrai, l'EPS a du travail à faire avec Voreut, il y a du travail à faire avec le CDNV, etc., où on est beaucoup moins ouvert à la suppression du statut cohabitant. Le PTB, vous êtes un parti uni, et des filles, voilà. Enfin, donc, il n'y a pas de mot. Mais donc, voilà, on continuera à être au travail. Et c'est quand même, il faut quand même bien le dire, hein, c'est un espoir dans la population qui est gigantesque, hein, la suppression du statut cohabitant. Il n'y a pas une réunion, il n'y a pas un endroit en Wallonie, il n'y a pas un moment où on peut être quelque part et où la question du statut cohabitant n'arrive pas sur la table comme une question appauvrissante. C'est permanent. Tous les professionnels pourront vous le dire. Regardez, je vois infirmière de rue qui hoche la tête. Tout le monde le constate. Et ce n'est pas devenir riche, hein, que de ne plus voir une partie de ses allocations retirées. C'est tout juste avoir les allocations de base qui permettent de vivre et de vivoter. Voilà. Donc on va passer sur l'emploi. Et alors vous allez être étonnés, sur l'emploi, on ne va pas vous parler de formation. On voudrait, et on va vous demander une question courte parce qu'on est en train de perdre un peu de temps, une réponse courte. On voudrait vous parler vraiment du fait qu'au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, beaucoup, beaucoup, beaucoup de militants s'intéressent à l'emploi en tant que tel, avoir un emploi. Être servir à quelque chose, être utile quelque part, mais pas n'importe quoi. Et donc, on va écouter Marie, Rose et Esther. Comme vient de le rappeler Yves, le réseau est contre la limitation des allocations de chômage dans le temps. Des études ont déjà largement démontré les effets contre-productif de ces mesures. On s'est déjà expliqué à ce propos. La question qui nous occupe, surtout, c'est bien celle de l'emploi. Un emploi rémunérateur, un emploi de quartier librement choisi et qui permet une vie familiale. Au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, nous rencontrons beaucoup de gens qui ont travaillé, qui veulent ou auraient voulu travailler. Nous rencontrons beaucoup de personnes qui veulent jouer un rôle dans la société. On sait que la formation peut être un levier pour aider des chômeurs et chômeuses sans emploi à trouver un emploi. Mais il faut qu'à la fin, ils trouvent un vrai emploi. Le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté défend des emplois de proximité correctement payés qui ont du sens au service de la population, accessibles pour le travailleur avec les moyens de transport, avec des crèches payables pour s'occuper des enfants. Aujourd'hui, j'ai un travail et je me réjouis de rencontrer des collègues, des autres personnes tous les jours. Je me sens utile à la société en plus de mon salaire. On parle beaucoup d'emplois en pénurie. Par exemple, moi je suis dans le secteur des soins, de l'aide à la personne. On manque de bras. C'est un métier lourd. On devrait avoir un cadre de travail suffisant pour pouvoir bien faire notre travail. On ne travaille pas avec des sacs de ciment, mais avec des personnes qui méritent des soins et un cadre agréable et sécuritaire pour nous travailleurs et le patient. On manque de bras dans les métiers de la santé, de la petite enfance, et même le métier d'assistante sociale est maintenant en pénurie. On manque aussi de bras dans les métiers durs et pénibles. Pourquoi? Est-ce que vos partis va s'engager à analyser en profondeur les causes des métiers en pénurie, au-delà de s'arrêter uniquement sur la formation. Et surtout, va se charger ensuite de régler les causes. Comment votre parti s'engagera pour créer des emplois de proximité, des emplois dans les coopératives, des emplois dans les métiers qui font du bien à l'environnement, au social, à la vie collective, au vieillissement? Vos partis est-ils prêts à se tenir toutes les formes d'emploi d'abord? La création d'emplois d'indépendants, mais sécurisés tant qu'ils le font, par exemple les maraîchers. L'emploi d'abord, comme dans les territoires zéro chômeur de longue durée. l'emploi pour des personnes avec un parcours de vie complexe, des déficiences intellectuelles et ou physiques. Votre parti va-t-il exiger des entreprises qui reçoivent des subsides pour l'emploi de créer des emplois stables, durables et corrects? Merci pour votre attention. Voilà, merci. Merci, Esther. Alors, on est, je pense, sur un contenu qui est d'une aussi grande complexité et qui pourrait être à livre ouvert, comme on l'était sur les inondations et bien d'autres sujets. Donc, on ne va pas vous demander de répondre à toutes ces questions. Vous avez compris que ces questions étaient des affirmations. On aimerait vous entendre tous sur une mesure qui est très à créer de l'emploi. Donc, ne nous parlez pas de la formation pour les gens, on sait qu'il en faut, etc. Mais une mesure qui soutient la création de l'emploi et de bons emplois et d'emplois qui sont aujourd'hui bons pour l'environnement, le lien social, enfin tout ce qui vient d'être dit. Une mesure chacun qui importe dans ce cadre-là. Alors, je vois Fabien qui se démène sur sa chaise. Eh bien, je vais proposer de commencer par toi. Je vais commencer par le milieu et puis j'attends aux extrémités après. Comme ça, on change encore un peu. Voilà, Fabien, Martin. Peut-être. Une mesure. Hein. Bah, une mesure, c'est tout d'abord qu'on est au cœur de nos préoccupations. Et pour le Parti Socialiste, solide et solidaire, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Donc, on est vraiment ici dans la question de la redistribution des richesses. Pour créer de l'emploi public, plus de services publics, des emplois de proximité, il faut des moyens. Pour avoir les moyens, il faut les chercher là où ils sont, en taxant les ultra-riches. C'est ce que nous proposons. 4 milliards d'euros, c'est solutionner le statut du cohabitant et c'est faire plus d'emplois de proximité. Voilà une mesure concrète. OK. Merci. Merci, clair, concret, direct. On reviendra sur la fiscalité un peu après, si c'est pour ça qu'on veut prendre le temps. Le voisin. Je m'excuse. Mais chez nous, on pense, et c'est une des grandes mesures de notre parti, qu'il faut une grande réforme fiscale, parce que pour créer de l'emploi, il faut que les gens aient envie d'aller vers l'emploi. Et qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de travailleurs précaires, vous l'avez dit, dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, il faut faire en sorte que ces travailleurs gagnent dignement leur vie. Et donc, on veut une réforme fiscale d'ampleur qui, à la fois, lutte contre la fraude fiscale, qui a encore beaucoup lieu dans notre pays, mais aussi augmente la quotité exonérée d'impôts et fait en sorte que les travailleurs qui touchent des salaires qui sont parfois trop bas touchent un salaire digne qui les pousse à l'activation. Merci. On va voir qu'on va entendre tout à l'heure les choses qui... voilà. Sophie Maris, une mesure. Une mesure, super, hein. Super avec moi à chaque pas, fois. Non, mais pas des constats, une mesure. Oui, c'est ça. Ben, je dirais que je suis alors d'abord d'accord avec ce que le monsieur du PS a dit, mais si je pourrais dire une deuxième mesure alors, c'est pour moi, aujourd'hui, on demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire travailler les gens à jusqu'à 67 ans, voilà. Donc, pour nous, c'est déjà pas possible pour plein de gens. Donc, si on permettait de ramener l'âge de la pension à 65 ans, si on permettait aussi aux gens de partir après 40 ans de travail à la pension et surtout dans les métiers pénibles encore un peu plus tôt, ben à ce moment-là, on pourrait effectivement créer de l'emploi okay. pour les gens qui en cherchent. OK, donc à mesure pension en plus de la fiscalité. OMR, alors une mesure concrète pour créer de l'emploi. Action sur la fiscalité pour diminuer le coût du travail et permettre aux gens qui travaillent d'avoir un plus gros salaire poche et donc que le travail soit attractif. Pourquoi ? Arriver à cet objectif de 80% de la population en mesure de travailler qui travaille. Et ça, c'est 80%. Cet objectif, nous, il est chevillé à notre objectif politique. Pourquoi ? Parce que c'est 20 milliards de plus dans les caisses de l'État. Et donc, c'est encore mieux que de devoir aller chercher dans les poches, même s'il y a des poches qui sont encore fort bien remplies. OK. Georges Pinet. Mais il faut un plan d'investissement pour répondre à la fois aux enjeux de logement, aux enjeux de santé, et ça va naturellement créer de l'emploi. De l'emploi qui doit être de qualité, et il faut aussi mieux le partager. Il y a des personnes en fin de carrière qui ont envie de lever le pied, il y a des jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est de commencer à travailler. Il faut du parrainage, de plan tandem. Il faut une diminution du temps de travail, mais avec une cohabitation des travailleurs avec de l'expérience et des travailleurs avec moins d'expérience pour qu'ils puissent s'entraîner les uns les autres. Une modulation dans la carrière. D'accord. OK, merci beaucoup. On reviendra sur la fiscalité tout à l'heure. Ah, pardon. Je m'excuse. Oui, j'avais dit les deux extrémités et puis j'oublie. J'oublie les un morceau. Les extrémités, mais pas les extrêmes. Non, pas les extrêmes. Voilà, les extrémités de la courbe. Voilà. Alors, évidemment, j'ai envie de dire plein de choses, mais j'ai entendu, j'ai aussi, moi, plus qu'envie de dire qu'une grande réforme fiscale est importante. Et j'insiste très fort sur le fait que mon parti est vraiment un des seuls à avoir fait vraiment une analyse, une expertise par des experts donc tout à fait extérieurs, donc non politiques, avec ce que nous proposons, donc taxer, mais pas uniquement les revenus sur le travail, mais tout le capital, donc les revenus mobiliers et immobiliers. Et le résultat nous amène à 50 milliards. Donc de quoi mettre en application certaines mesures. Et si je veux être une petite mesure concrète aussi, parmi plein d'autres, allez, c'est notamment aussi une place de crèche pour chaque enfant et rendre les crèches gratuites aussi, ça permettra aux femmes de travailler. Fiscalité, crèche, pension, modularité sur la carrière et temps de travail. En tout cas, il y a une assez grande unanimité sur la fiscalité. On se demande pourquoi ça a bugué cette fois-ci. Mais ça veut dire qu'on peut s'y remettre tout de suite. Hein. On va aborder un dernier sujet avant de reparler de fiscalité. Un dernier sujet qui est aussi extrêmement important, c'est cette ignominie de ne plus garantir aujourd'hui dans notre société le droit à l'alimentation. Et c'est Yvette et Brigitte qui vont prendre la parole. Manger tous les jours, en principe, trois fois par jour, ça vous semble normal? Mais beaucoup d'entre nous ont la dalle, la vraie dalle. Certains doivent tendre la main pour manger. Ils doivent aller chercher des colis alimentaires dans une association ou à la commune et toujours doivent se justifier. C'est normal de demander la charité pour manger? On ne veut pas être désassisté. Comme ils disent. Ça nous énerve. C'est bien connu. Tout le monde se promène avec un micro-ondes pour réchauffer ses boîtes de boulettes. Attends. Et 24 boîtes d'haricots verts en 3 mois, ça ne va pas? Bravo, Brigitte. Mais on n'ouvre pas trop la bouche. Attends. On a peur de ne plus rien avoir. Les colis, c'est comme des rustines ou des sparadraps. Nous, on n'en veut plus. Ça, on veut un autre système. Un système où tout le monde est gagnant. Celui qui achète à un prix raisonnable. Celui qui produit et vend au juste prix. Les gens doivent avoir de meilleurs revenus, qu'ils travaillent ou pas, qu'ils soient pensionnés ou malades. Mais tant que les gens n'ont pas les moyens, ils doivent être aidés dignement. Nous, on mène une expérience avec la coopérative paysan-artisan sur Namur. C'est très intéressant. Et votre parti, comment fera-t-il pour soutenir ces entreprises et leur finalité sociale? Et pour garantir un droit à l'alimentation de qualité et choisie pour tous. Voilà. Merci Brigitte. Alors, question précise et orientée. Quelle position votre parti par rapport au soutien aux coopératives, aux producteurs locaux, quelles mesures, etc. Court, bref, dans le but. On va commencer par Georges Gilquinet. Ça me semble assez évident que c'est du win-win, à la fois pour les producteurs qui cherchent des marchés dans les collectivités pour les personnes et de pouvoir se nourrir dignement, c'est-à-dire ne pas aller recevoir des aliments qu'on n'a pas choisis soi-même, qui sont parfois périmés, qui sont parfois tous les mêmes, mais faire comme tous les citoyens, choisir ces produits et en plus permettre à quelqu'un qui les a produits de vivre de son travail. Ça donc intensifier les financements pour les coopératives qui sont là-dedans. Oui, une forme de sécurité sociale de l'alimentation, parce que la façon dont on se nourrit, c'est la façon dont on... D'accord. On est plus ou moins en forme aussi. Donc perspective de sécurité sociale de l'alimentation. Oui, pourquoi pas. Il faut de nouveaux droits, il faut partir à la conquête. Ok, merci. OMR, comment est-ce qu'on voit le soutien à cette dynamique économique-là de proximité sur l'alimentation? Le soutien, il doit être global aux producteurs de notre alimentation. Donc il doit être envers tous les agriculteurs. On n'est pas obligé de les serrer en fonction qu'ils soient favorables à des circuits courts ou aux réunions en coopérative. Il y a un vrai enjeu de société aujourd'hui au soutien au milieu agricole. D'une part, que les gens qui produisent notre nourriture puissent arriver à vivre, et d'autre part, que le coût de ce qui sort de la transformation puisse être accessible pour tous. Mais donc ça se joue dès l'amont, dès le soutien au secteur agricole. D'accord, ok. On a quand même un peu chez nous une difficulté avec ça, mais il faudra en débattre plus longuement, parce que les personnes dans la pauvreté ont quand même l'habitude de devoir ingérer beaucoup de produits qui émanent de l'agroalimentaire et de la grande production industrielle alimentaire, qui n'est pas particulièrement bonne pour la santé. Et c'est un défi d'avoir une collaboration avec la coopérative paysan-artisan. C'est un défi pour la coopérative. Elle doit mouiller sa chemise pour arriver à établir une collaboration avec nous et pour que des militants puissent vivre une expérience constructive qui est suivie d'ailleurs par une recherche participative qui est menée par RTA. C'est un défi parce que tout le monde doit y mettre des efforts, etc. Donc il y a quand même quelque chose à réfléchir, nous semble-t-il, dans ce sens-là. Sophie Merckx, une mesure dans le soutien à ces secteurs? Ben, donc, je pense que oui, c'est le genre d'initiative qu'il faut soutenir. Et voilà, je vous félicite. C'est vrai que ça permet d'avoir accès à de l'alimentation de bonne qualité et en même temps, voilà, de soutenir les producteurs locaux. Maintenant, de manière générale, par rapport au prix de l'aliment, nous, ce qu'on met en avant dans ces élections-ci, c'est le fait qu'on trouve pas normal que chaque fois qu'on fait nos courses, en fait, on paye 6% de TVA. En fait, on paye une taxe sur nos courses. Et donc, en Espagne, ils ont décidé de supprimer cette TVA sur les aliments. Et donc, c'est ce que nous proposons avec le PTB, supprimer la TVA sur les courses et sur les produits de première nécessité, comme par exemple ben voilà, le papier WC, etc., tous les produits de base. Parce que la TVA, elle est vraiment une taxe injuste. Quand vous avez un petit revenu, vous payez 6 euros sur 100 euros, mais quand vous avez 5 000 euros, vous payez aussi 6 euros sur 100 euros. Et donc, ça pèse beaucoup plus pour les petits revenus. Et donc, nous, on pense que ça, c'est vraiment une mesure immédiate qu'on pourrait prendre par rapport au prix des aliments. Plutôt la TVA. Ok. Julien Lemoine, soutien à la production locale, aux coopératives, aux circuits courts, à l'alimentation accessible à tous. Je pense que ça répond déjà à plusieurs enjeux. En effet, à des enjeux d'accessibilité à l'alimentation, évidemment, mais des enjeux climatiques aussi, puisque vous savez qu'on consomme parfois des pommes qui viennent de l'autre bout du monde, et donc il faut faire en sorte que l'on pollue moins lorsque l'on consomme de la nourriture. On est rarement d'accord avec le PTB. Mais sur la mesure d'enlever la TVA sur des produits qui sont locaux et qui correspondent à un panier qui a été évalué très récemment par Testachat de produits de première nécessité, on serait plutôt pour faire en sorte que l'accès à l'alimentation moins chère et de qualité soit garanti. Ok, TVA, Fabien Martin. Oui, c'est aussi dans le programme la question de la TVA sur les biens de première nécessité. Et ça, c'est une première chose importante. La deuxième, naturellement, le soutien à l'économie sociale et aux coopératives. D'ailleurs, c'est sous ce régime-ci, avec la ministre Montréal, que l'attention a été la plus forte sur l'économie sociale, sur les coopératives, avec un soutien franc, et donc un soutien franc à des initiatives comme Paysans Artisans, par exemple. Et alors, autre chose, ce qui est important, c'est aussi que la grande distribution puisse cotiser à la solidarité. On n'est pas uniquement dans l'implication et l'obligation des invendus alimentaires. On doit aussi avoir une collaboration directe avec les premières lignes, les Restos du cœur, avec les mains tendues, etc. Toutes les initiatives de première ligne qui ont besoin aussi de pouvoir préparer à manger pour celles et ceux qui n'ont pas accès à un repas par jour. Voilà. D'accord. On a pris un chemin plus intense avec les coopératives sur cette législature-ci. Plus c'est mieux, ce sera encore mieux, mais il y a un chemin qui est pris, une direction qui est prise, et puis on ajoute encore des éléments. Et Mme Lazaron. Voilà, acheter à côté de chez soi et favoriser le commerce local, ben je lis une des propositions. Voilà, ça rejoint un petit peu ce que les autres ont dit. On dit aussi également diminuer, supprimer la TVA sur les produits alimentaires, les produits de nécessité, ça fait partie aussi de notre programme. Et être aux côtés de nos agriculteurs, bien sûr, comme on l'a toujours été. Et non seulement c'est un impact, qu'on l'a dit, environnemental, mais c'est aussi un droit de se nourrir correctement. Mais c'est aussi, et ça s'éloigne peut-être un peu de la question, mais ça a un impact, c'est donner les moyens et un revenu décent pour que chaque personne puisse aussi se nourrir. Ok, merci. Alors, on va passer en fait à la conclusion par le chapitre sans doute le plus important, vous l'avez mis vous-même sur la table, la fiscalité. Et ici, on va proposer en fait à Julien, qui est où Julien, je ne sais plus. Ici. Mais voilà, qui est par là. Julien Desiderio. Qui, ah oui, non, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même. Non, c'est un Julien et un Julien, en effet. Qui est avec le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté et beaucoup d'autres membres du réseau pour une justice fiscale et qui travaille pour Oxfam et qui va nous rappeler en fait l'importance. L'élément fondamental et déterminant, si on veut arriver à agir sur cette société, d'une réforme sur la justice fiscale. Et puis, on proposera qu'il y ait une mise en place tout doucement, sans bruit, de Grazi, Olivier, etc., près des témoins du vécu militant, parce qu'on terminera avec une chanson sur la fiscalité. Voilà, vas-y, Julien. J'ai hâte d'entendre la chanson, en tout cas. Donc oui, bonsoir à tout le monde. Alors moi c'est Julien Desiderio, effectivement je travaille pour Oxfam qui est membre du réseau pour la justice fiscale avec plein d'autres organisations. Et Oxfam c'est une organisation en fait qui a fait de son combat, c'est la lutte contre les inégalités. Et souvent on dit à Oxfam, mais pourquoi en fait Oxfam est en Belgique? Finalement, il n'y a pas tellement d'inégalités en Belgique. Je pense que quand on vient ici, on constate qu'effectivement les inégalités, elles existent toujours en Belgique. C'est pas parce qu'on n'est pas aux États-Unis ou en Afrique du Sud, où effectivement il y a des inégalités qui sont extrêmement fortes, qu'on ne doit pas en parler en Belgique. Et donc, j'ai rapidement cité quelques statistiques, mais derrière ces statistiques, effectivement, il y a tous les vécus et toutes les histoires qu'on a entendues ce soir. Donc les inégalités en Belgique, c'est par exemple que 70 000 personnes sont des travailleurs et travailleuses pauvres. 14,5% de la population vit dans des conditions de logement inadéquates, marquées par des problèmes de mauvaise isolation ou d'humidité, on l'a entendu ce soir. 21,6% de la population, soit 2,5 millions de personnes quand même, ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour partir une fois une semaine en vacances par an. En parallèle, on a les 1% de Belges les plus riches de la population qui, selon une étude universitaire, possèdent 24% des richesses dans le pays. Il faut constater que ça représente, en fait, ces 24%, ça représente plus de richesses entre les mains de 1% de la population que ce que cumulent les 70% de la population les moins riches en Belgique. Donc dire qu'il n'y a pas d'inégalité en Belgique, c'est un peu dresser un tableau qui est un peu faux. Donc aujourd'hui cette richesse en fait qui est entre les mains des plus riches, on pourrait se dire que c'est le fruit de l'effort, du travail qu'il a été acquis à la sueur du front, mais en fait pas du tout. Le principal facteur d'enrichissement aujourd'hui, c'est l'héritage. Et donc bien-être, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on démarre avec le plus de chances dans la vie pour pouvoir s'enrichir. Et donc c'est une situation qui creuse énormément les inégalités, et c'est pour ça que le réseau de justice fiscale milite pour une réforme fiscale qui permette de redistribuer les richesses, de financer les services publics, de refinancer la sécurité sociale. Voilà, donc je vais vous donner simplement deux exemples au niveau de la fiscalité d'injustice, hein, auxquels on ne pense pas nécessairement, mais je pense que ça illustre assez bien c'est quoi le combat de notre réseau. Donc un exemple, 71% des biens immobiliers qui sont mis en location aujourd'hui sont entre les mains des 10% les plus riches du pays. Donc il y a les 10% les plus riches, on peut se dire qu'ils perçoivent 71% plus ou moins des loyers. Et il faut savoir que structurellement, les loyers en Belgique sont sous-taxés par rapport à d'autres types de revenus. Hein? Donc les loyers aujourd'hui sont perçus sur la base de logements qui n'ont pas, de valeurs de logements qui n'ont pas été mises à jour. Un autre exemple qui est encore plus emblématique, parce que c'est vraiment ce qui fait de la Belgique un paradis fiscal pour les plus riches, c'est si vous travaillez en Belgique, vous allez payer des impôts. Et la Belgique, elle est connue pour être l'un des pays où on paye le plus d'impôts quand on travaille. Et c'est vrai. Voilà. Par exemple, si vous percevez un revenu brut de 41 000 euros par an, c'est le revenu médian en Belgique, ça veut dire qu'il y a 50% des gens en dessous de ce revenu qui gagne moins et 50% des gens au-dessus de ce revenu qui gagne plus. Si vous percevez ce revenu, vous allez payer environ 30% d'impôts. Par contre, si vous avez des actions dans une société et que vous revendez ces actions et que vous faites un bénéfice de 41 000 euros en revendant ces actions, vous allez payer en Belgique 0 euros. D'ailleurs, c'est pour ça que Bernard Arnault, le milliardaire français, il y a quelques années, a déménagé en Belgique. Ce n'était pas pour les frites et le chocolat, c'était pour l'exonération des plus-values sur actions. Et donc, effectivement, ça a été évoqué au niveau du réseau de la justice fiscale. Ce qu'on demande, c'est une diminution des impôts sur le travail, mais pas pour tout le monde, des impôts sur le travail pour les bas et moyens revenus, pour soutenir les bas revenus et pour éviter que les moyens revenus finissent aussi par tomber dans la précarité parce que les inégalités augmentent. Mais on ne veut pas simplement des baisses d'impôts, parce que les partis ou les personnes qui disent qu'il faut uniquement des baisses d'impôts doivent aussi nous expliquer après si, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on supprime des services publics? Ça fait moins d'argent, hein, moins d'impôts, c'est moins d'argent pour l'État. Est-ce qu'on supprime des services publics? Est-ce qu'on laisse tomber la politique pour l'environnement? Est-ce qu'on fait travailler les gens encore plus longtemps? Donc nous, on demande une augmentation d'impôts sur une catégorie de la population qui est les 1% les plus riches. On demande qu'on taxe les plus-values. On demande un impôt sur la fortune. Et quand on nous demande pourquoi, on a une réponse qui est très simple. C'est parce que l'argent est là. Voilà. Merci. Merci, Julien, de nous avoir rappelé ça. Et on va écouter les militants. Donc, vous voyez, au réseau Wallon, en s'investissant dans le réseau pour une justice fiscale avec d'autres, on est bien clair que la fiscalité est au cœur du débat. Et donc, vous allez l'entendre en chanson. Pendant qu'ils sont en train de s'installer, j'ai vraiment oublié de dire, et je m'en excuse au début pour les acteurs qui sont porteurs de ça, c'est que vous voyez bien hein, qu'on a des personnes de RTA avec des caméras, etc. En fait, le débat est retransmis ici en direct sur le net. Je pense qu'on vous l'avait dit par mail, mais donc il y a des personnes qui nous suivent sur le net. Et il est en même temps enregistré. Et puis, on doit remercier aussi une ASBL qui a créé une radio associative, l'ASBL Revers, et qui sont là aujourd'hui parmi nous. Je ne sais pas où ils sont, qu'ils fassent un petit signe, un petit coucou. En tout cas, ils sont là aujourd'hui pour également retransmettre l'émission. Et puis Graziella qui est là avec son émission Micro Ouvert aussi pour relater des choses qui sont passées. Et s'il est toujours là, Claude Semal qui écrit un petit, je ne sais pas comment on dit ça sur le net, une publication sur le net qui s'appelle « L'asymptomatique » va peut-être aussi relater quelque chose de ce débat. Voilà, c'est aussi pour vous dire que ça continue à faire des petits. Et le débat, c'est une étape dans un travail sur le champ politique. On fait beaucoup de politique à tout moment au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, puisqu'on estime que s'occuper de la cité, c'est le droit des gens. C'est une étape et on continuera dans la foulée jusqu'aux élections. Et après les élections, bien sûr, immédiatement après, on sera dans les pieds de tout le monde par rapport aux déclarations de politique générale et on embêtera les prochains gouvernements, qu'ils soient garantis, quelle que soit leur coalition. On sera au rendez-vous, vous pouvez nous attendre. Voilà, on peut... On peut écouter, on aurait pu vous parler d'enseignement, on aurait pu vous parler de petite enfance, il y a plein de sujets, puisque la pauvreté, les inégalités, ça percole dans tous les droits. Et donc, c'est à travers tous les droits qu'il faut combattre ces inégalités. Il faut à un moment donné circonscrire le débat pour passer une soirée qui ait une certaine cohérence et un temps qui est aussi adapté aux horaires de tout le monde et au sommeil de chacun. Voilà, donc, vous êtes en... On est prêt. Vous avez les paroles dans tous les papiers qu'on vous a remis tout à l'heure. Hein, chanson sur la fiscalité. Je ne sais pas casser la tête pour le titre. Les ongles, oui. Le tien ne va pas. C'est pas celui du chant. Pas grave, il doit. Non, je te parle de celui-là. Il ne va pas, donne-moi celui-là. Un. Est-ce qu'on peut brancher la guitare, s'il vous plaît? Elle n'est pas branchée. Si, ça va. On l'entend. Si, la salle entend qu'elle est branchée. La leur. Allez, un petit courage pour Grazi, s'il vous plaît. C'est un métier, hein. La fiscalité, un sujet compliqué. Mais indispensable pour réduire la pauvreté. Mais indispensable pour réduire la fiscalité. La fiscalité, c'est une priorité. La fiscalité, c'est une priorité. Car les bas revenus ne s'en sortent plus. Car les bas revenus ne s'en sortent plus. Là, si t'as les épaules larges, ne prends pas le large. L'évasion fiscale n'est pas sport national. L'évasion fiscale n'est pas sport national. Multipropriétaire en plus actionnaire. Multipropriétaire en plus actionnaire. Faut pas t'indigner si tu es imposé. Faut pas t'indigner si t'es plus imposé. Certains millionnaires viennent de déclarer. Et t'as taxé nous, on a vraiment trop de sous. Et t'as taxé nous, on a vraiment trop de sous. Progressivité, c'est pas si compliqué. Progressivité, c'est pas si compliqué. Plus t'as des revenus, plus tu mets dans la sécu. Plus t'as des revenus, plus tu mets dans la sécu. La fiscalité, il faut la réformer. La fiscalité. On a encore une toute petite étape, c'est que des témoins du vécu militant vont vous remettre un cadeau. Donc je pense qu'il y a Eddy, Oriane, Jonathan, Guy, Pascal et Johnny qui vont vous remettre un cadeau. Alors ça va être un triple cadeau. Vous allez d'abord recevoir un livre qui est sur les prises de parole nourries par les témoins du vécu militant. Mais vous allez aussi recevoir un petit colis qui contient différents mémorandums. Alors, je sais bien que des mémorandums, à mon avis, vous en avez reçu pour pouvoir vous asseoir dessus, de tout le monde, partout. Mais ici, on a fait un choix, on aurait pu en faire d'autres, de rassembler une série de mémorandums où on sait que d'évidence, parce qu'on se connaît, toute une série d'acteurs disent les mêmes choses à l'intérieur de ces mémorandums. Et donc, lorsqu'on se rend compte la multitude des organisations qui disent les mêmes choses, ça doit donner un esprit de convergence en se disant « Tiens, mais ils sont sérieux, ces gens-là. C'est recoupé là, c'est recoupé là, c'est recoupé là, c'est défendu là, c'est encore défendu là. » Donc, on vous invite à tenir compte de ces mémorandums-là et à les lire de façon transversale. Alors, il y a le mémorandum de qui ? De la coalition climat. On a parlé tout à l'heure environnement, importance de l'enjeu du combat contre les inégalités à travers la transition, les transitions. J'y arriverai. On a un plaidoyer des acteurs associatifs en faveur du logement. Ça vous étonne ? Non, je pense que ça ne vous étonnera pas forcément. On a le plaidoyer, évidemment, du réseau pour une justice fiscale. On vient de le comprendre, c'est très important. La coalition santé. La coalition santé, vous avez là, sur les sièges, la grande ordonnance avec toutes les recommandations de la coalition santé, qui est une coalition fédérale, d'ailleurs, et qui défend une campagne qui s'appelle « Vivre mieux ». Et puis, on a aussi le mémorandum de Médecins du Monde, comme on a d'ailleurs le mémorandum du CIRÉ. On en a peu parlé, si c'est qu'on l'a approché tout à l'heure, par le fait que les personnes d'origine étrangère sont à la rue, mais il y a un combat énorme à faire pour l'accueil des populations dans notre pays, évidemment, et ça va de soi, et ça fait partie du combat du réseau wallon de lutte contre la pauvreté également. Le statut de ces personnes, leurs droits, leur possibilité d'exister chez nous, l'aide médicale urgente qui doit être réformée parce qu'elle n'est pas nécessairement accessible et pas nécessairement utilisée. Et puis, on a évidemment le mémorandum du réseau wallon d'accès durable à l'énergie. Vous avez entendu Aurélie tout à l'heure, et ça va de soi, et on y participe et on en est membre. Et puis aussi le mémorandum du réseau belge de lutte contre la pauvreté. Alors, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, mais sinon je le rappelle, il y a peut-être des personnes dans la salle qui ne le savent pas, il y a un réseau wallon de lutte contre la pauvreté Il y a un réseau flamand, lutte contre la pauvreté, Network Tegen Armoede. Il y a deux réseaux sur Bruxelles, Forum Bruxelles contre les inégalités et la Bruxelles Armoede Platform. Ensemble, nous constituons le réseau belge de lutte contre la pauvreté. Et donc, ensemble, nous allons au combat sur des matières fédérales et sur des matières européennes, puisqu'il y a un réseau européen de lutte contre la pauvreté également. Alors, je dois dire que BAPN, le réseau belge de lutte contre la pauvreté, dans lequel nous nous investissons beaucoup, a lui-même un grand débat qui se profile le 15 mai prochain avec la plateforme BMine sur les revenus. Le combat au niveau des revenus, revenus du travail, revenus de la sécurité sociale, revenus de l'aide sociale, suppression du statut cohabitant, révision fiscale par rapport aux revenus, etc. Tout ça est au programme de ce débat politique qui est organisé à Bruxelles le 15 mai prochain. Si des personnes sont intéressées, vous allez voir, vous tapez bapn.be et je vois qu'il y a quelqu'un qui lève, mais je ne sais pas qui. Ah, c'est Delphine, excuse-moi, parce que j'ai pas mes lunettes et ça tape contre le micro, alors on m'a dit qu'il fallait mieux que je ne le mette pas. Et donc c'est Delphine qui travaille pour le réseau belge de lutte contre la pauvreté qui est là et qui a des invitations et qui peut vous les remettre. Voilà, donc ce colis n'est pas fait par hasard. Les mémorandums qui sont dedans, c'est pas par hasard. Donc tenez-en compte, lisez-les de façon transversale. Dites-vous, mais enfin, si autant de gens à autant d'endroits, etc., peut-être qu'il faut que ça soit encore plus pris au sérieux que ça ne l'est. Et puis vous l'avez vu, les militants vous ont offert le Baxter. Ben, ce Baxter qui dit « le logement est en souffrance et plus qu'en souffrance », pendez-le dans votre bureau, parce que comme ça, vous penserez à nous tous les jours. Mais surtout au combat qu'il faut mener. Et vous verrez que ce Baxter dit que si vous n'agissez pas fortement, si les prochains gouvernements n'agissent pas fortement, la santé physique, la santé mentale, la santé sociale, elle est sous Baxter également. Voilà. Alors, on n'a plus qu'à vous remercier de votre participation. À la fois les personnes qui sont dans la salle, les personnes qui sont venues nourrir le débat en apportant les contenus, les associations partenaires, les personnes au niveau médiatique qui ont joué leur rôle, évidemment les témoins du vécu militant et l'équipe, parce que si ceci a lieu, c'est parce qu'il y a eu du boulot et que toute cette semaine on a bossé et qu'on s'est vu et qu'on a réfléchi et c'est quoi la priorité et qu'est-ce qu'on dit et sur quoi on les interroge, etc. Ça tombe pas du ciel, ça. Et ça, c'est aussi vous dire que la participation des populations, lorsqu'on l'évoque dans des gouvernements, lorsqu'on l'évoque dans des administrations, lorsqu'on l'évoque dans des cabinets, il faudrait sortir de l'abstraction que ça a l'air de tomber comme ça du ciel. Non, non, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'organisation, c'est de la connaissance, c'est de la compétence. Il faut veiller à pas galvauder ça. Il faut veiller à ne pas galvauder ça et à bien s'en servir et à renforcer les acteurs de terrain qui pratiquent de cette façon-là pour être vraiment des apporteurs de contenu, non pas les seuls ayant raison, mais pouvant mettre sur la table des contenus sérieux qui émanent des besoins directs de la population. On vous attend au rendez-vous par rapport à ça également, puisque c'est au cœur de notre mission et de nos objectifs, et aussi d'une société qui a besoin démocratiquement que ça soit largement renforcé. Voilà. Alors merci à vous, évidemment, d'être venu passer la soirée, de vous être prêté à l'exercice, et on s'est nourri aujourd'hui.